Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6 et plus précisément bienvenue à l'émission Hellbanger. On est ensemble en direct jusqu'à 22h30. Ça faisait pas loin d'un mois qu'on s'était pas fait une petite émission en direct présent tous les trois dans les studios de Béton. Forcément beaucoup de choses à s'écouter et aussi beaucoup de choses à dire. Donc on va pas perdre trop de temps et on va attaquer tout de suite la div de l'émission de ce soir avec tout d'abord Abath, bien sûr la formation norvégienne emmenée par El Famoso Abbas pour le troisième album de la formation norvégienne Dread River. On est toujours sur un black avec des riffings bien heavy, bien froids qu'on avait déjà bien sûr dans Immortal. L'album est déjà dispo sur le label français Season of Mist et en doublette avec Abbas on s'écoutera une autre formation scandinave, cette fois venue de Suède, Meshuga, le groupe à l'origine du Djent qui sort son nouvel effort studio, hein, plus de 30 ans de carrière pour la formation suédoise Immutable, c'est le nom de ce nouvel effort studio, disponible sur la nouvelle entité Atomic Fire, hein, anciennement Nuclear Blast. The Deep Unbound, le titre de Abbath, Light the Shortening Fuse, le titre de Meshuga, et bienvenue dans l'émission. Yeah. assez légèrement hypnotique cette fin de morceau de Meshuggah. Doublette suivante, deux salles de ambiance avec tout d'abord les Belges de Evil Invaders, ce groupe de heavy speed trash, bien dynamique, bien burné, bien bondissant. Shattering Reflection, c'est le nom de leur troisième album studio. C'est toujours la même recette chez Evil Invaders, mais c'est toujours aussi qualitatif et efficace. Ce nouvel effort studio est déjà dispo chez Napalm Records. Et en doublette, la crasse et la dégoulinance des requins de Father Befold, ce groupe de putrid death qui sort son cinquième album studio Crowned in Veneficum. Father Befold en plus signe ce nouvel album chez Everlasting Pure Records, ce très très bon label italien que l'on surveille très attentivement sortie après sortie. Ething in Crescendo, le titre de Evil Invaders. Enlightenment of Torture, le titre de Father Befold. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6, 20h22 à la pendule de Radio Béton, et on passe à la doublette suivante. Une doublette bien evil avec tout d'abord Chaos Invocation, la dernière sortie de World Terror Committee. Excellent label particulièrement spécialisé dans le black metal. Chaos Invocation, ça nous vient d'Allemagne, c'est du black, c'est ouvertement dans le folklore satanique, donc c'est bête et méchant hein, musicalement. Devil, Stone and Man, c'est le nom de ce quatrième effort studio, et en doublette avec Chaos Invocation, encore plus evil que evil, Satan, le vieux groupe de heavy anglais qui a ressurgi du fin fond de l'Angleterre, de Newcastle, en 2013, et puis depuis, bon, ils sortent un album tous les 2-3 ans. Earth Inferno, là, alors on est sur du ultra kitsch, hein, ça renouvelle zéro le genre, mais ça reste bien fait, bien maîtrisé, on sent que les mecs ont de la bouteille. D'ailleurs, littéralement, quand on voit la gueule du chanteur, on s'est dit que la bouteille, il fait pas que la regarder. Earth Infernal, le nom de ce nouvel album de Satan, une sortie Metal Blade. Curses Upon You, le titre de Chaos Invocation. From Second Sight, le titre de Satan, c'est parti. Satan, c'est le rock. Doublette suivante, avant d'attaquer la spéciale, avec tout d'abord Desolate Shrine, le groupe qui nous vient de Finlande. Alors on est sur du Death Blacking, hein, parce que c'est assez sombre. Fires of the Dying World, c'est le nom de ce cinquième effort studio pour Desolate Shrine, une sortie pareil sur le très très bon label underground Dark Descent Records. Et en doublette avec Desolate Shrine, on aura Night, formation américaine qui nous fait musicalement du heavy, même du heavy revival années 80, avec un chant très, très black. Et du coup, bah, le cocktail est surprenant mais ultra cool. Voices of the Cronian Moon, c'est le titre de ce nouvel album de Night, déjà dispo via Season of Mist. Echoes in the Hall of Vanity, le titre de Desolate Shrine. Age of the Night, titre de Night. C'est parti. We're Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger, il est 20h42 et 30 secondes à la pendule de Radio Béton et on va attaquer tout de suite immédiatement la spé française. Spé française que l'on va d'ailleurs entamer de la plus belle des matières à peu près à tous les niveaux, puisqu'on va retrouver l'ami Thibaut qui va nous permettre d'ouvrir cette spéciale française avec un superbe focus. Et puis juste le focus en fait qui est ultra quali et qui t'a fait frétiller ces derniers jours à l'idée de présenter cette nouvelle sortie au détour d'un focus. Ouais, bah bonsoir à toutes et à tous. Ouais, clairement, comment dire, si déjà il y a quelques semaines, maintenant un bon mois, j'ai eu la chance de présenter un de mes groupes préférés de black metal, là on va clairement sur mon groupe de black metal. Ça a été la porte d'entrée pour moi vers ce style. Ah, tu écoutes du black metal donc. Il paraît. Donc ça va être... Oui, j'avais pas vu, c'était obligé switch, ça. Vous êtes en train de focus mon truc, j'ai mis mon suite de grand fanboy. Ah là là, bah heureusement que c'est pas une émission avec vidéo là, c'est honteux. Ouais. Non, bon bah voilà, Deathspell Omega qui sort là son 8e album. Un groupe qui, ouais, pour moi, était une porte d'entrée vers le black metal que j'ai découvert il y a longtemps maintenant, 10-15 ans, je sais plus. Et qui a été vraiment une révélation pour moi, qui m'a amené beaucoup, beaucoup de choses. Musicalement en tout cas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de black metal avant-gardiste qui nous vient de Poitiers, qui a été formé en 98. Deathspell Omega, c'est avant tout pour moi la base d'un style. Ils ont clairement créé une identité et quelque chose qui aura inspiré le monde entier musicalement, notamment la scène islandaise aujourd'hui qui s'inspire énormément du travail de Deathspell. On a tout un historique autour du groupe, c'est quelque chose de, comme leur musique, de très hermétique. Le line-up, il est mouvant, on sait pas exactement, on a quelques traces. C'est flou et obscur. Ouais, mais ça contribue à cette espèce de mythologie qui est autour du groupe. On a donc Adjarl, qui est le membre fondateur du groupe et qui est plus ou moins, je dirais, la seule tête pensante derrière Deathspell Omega. Il s'est entouré de pas mal de monde. Alors historiquement on avait Shakzoul qui a été au chant dans les premières années, Shakzoul qu'on croise de temps en temps à Tours parce qu'il est encore très très actif sur la scène. Bah Shakzoul au passage, batteur emblématique de Manzer, ouais, tout à fait. Le groupe de Poitiers également. Puis on trouve ses distros, il fait énormément très de choses. Très actif dans l'underground français et à échelle internationale. Ouais. Complètement. Et puis là aujourd'hui il s'est entouré aussi de Miko Aspa, le chanteur de Clandestine Blaze, qui est également dans le groupe actuellement. Clandestine Blaze qui est un groupe à écouter, on l'a diffusé il y a quelques années, je suis il y a un an peut-être. C'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Qui est un groupe à écouter également. Donc il y a du beau monde qui gravite autour musicalement, c'est vraiment des gens qui font des belles productions. Voilà pour la petite présentation déjà de Deathspell. Donc 8e album, je vais attaquer le gros morceau, c'est-à-dire présenter la discographie. Donc un premier album. On a Sylvain qui a l'œil sur le timer hein, et on n'hésitera pas à te couper la chic si premier tu t'emballes. Premier album Infernal Battles dans les années 2000, en 2000 pour être exact. Je vais dire un truc que je dis rarement, mais un album sans grand intérêt. À mon goût, c'est du black metal, tout ce qu'il y a de plus classique, et je trouve pas qu'il vaille vraiment le détour en termes d'écoute. Contrairement à Inquisitor of Satan en 2002, qui est toujours très raw, on reste sur du black metal assez classique pour l'époque, mais beaucoup mieux construit, et je trouve que l'album, il a un petit truc qui se dégage, il est cradin comme il faut, et ça a vraiment... Il a un petit charme pas anodin. Ouais, complètement, mais... Il sera surpassé par les albums qui viennent après parce que donc Si Monumentum, Requiere, Requierest, Circumspice. En plus, on me replace les ton latin laisse à désirer. Hein. Ouais, non, mais c'est une catastrophe. En 2004, ce sera le grand début pour moi de Deathspell Omega avec une approche l'approche signature réellement du groupe. À partir de là, on reconnaîtra vraiment systématiquement le style qu'il propose. Et ce sera le début d'une trilogie qui va faire donc il va faire ses trois albums dans ces années-là et donc voilà il participe à la trilogie en fait des trois albums à venir et qui aura une conclusion je spoil mais assez grandiose en 2005 juste après je m'arrête dessus d'habitude je m'arrête pas sur les EP mais Kenos un EP qui est un de mes CD préférés il est vraiment incroyable il est lancinant il est prenant aux tripes un truc de vraiment un truc de malade. On enchaîne avec encore du latin. Fas ite maledicti in ignem aeterum nom. Je vais y arriver. Voilà, César vient de faire un salto arrière dans sa tombe. Exactement. Je te laisserai corriger si tu as envie. Dans la continuité du précédent, donc de l'album de 2004, mais bien bien plus construit, plus solide et avec des compositions vraiment dingues. Et on enchaîne avec, pour moi, le chef-d'œuvre de Despel Omega qui a jamais été surpassé, Paraclitus. Te plante pas sur la prononciation. Non, ça va, Paraclitus, je le connais. Un chef-d'œuvre du black metal, le meilleur album à mon goût de black metal de l'histoire du black metal, et je pèse mes mots. Non, mais c'est un truc de dingue. Un monument. Il a une conclusion incroyable. Enfin, vraiment, écoutez cet album-là, c'est de la folie. Et je pense que tous ceux qui ont écouté l'album, si je leur dis que la conclusion, c'est un des trucs les plus géniaux qui a existé, ils sont en train de faire oui-oui de la tête. Parce que c'est vraiment un truc qui me prend au trip de ouf. Derrière, un EP que j'aime également, je me suis arrêté dessus, Droug. Voilà, un très bon EP qu'il faut écouter. Moi, je le trouve génial. Il est rentre-dedans, ultra étouffant. Enfin, vraiment un truc... pareil, il faut poser les oreilles dessus. Ensuite, je vais encore galérer là-dessus. C'est moi des titres en anglais. Vas-y, je te laisse le prononcer. The Synergy of Molten Bones. Ouais, merci. En 2016. Qui n'est pas un mauvais album. Je ne l'ai pas beaucoup écouté. Mais en vrai, anecdotique dans la discographie. Ça n'a pas été quelque chose qui m'a marqué. Contrairement au suivant, Pas du tout. The Furnaces of Palingenesia. Ouais, je suis en galère, hein, c'est chaud. C'est les langues latines, ça, je comprends. Ouais, foutons de ma gueule. Oui. Un petit équilibre, en fait, un petit retour en arrière quand même pour le groupe, mais un petit équilibre entre ce qu'ils avaient proposé plus récemment et les vieilles productions. Alors, je parle des vieilles productions de 2004 à 2010, mais un petit équilibre dans la discographie que je trouve vraiment, vraiment cool. C'était un très bon album. Et pour finir, on y arrive, ce dernier album, The Long Defeat, qui vient tout juste de sortir. Et voilà. Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau, ouais ? Oui, ce serait pas mal. Ouais, ça fait déjà beaucoup d'infos. Eh ben, on va s'écouter du coup le titre de l'album. Ouais. On en parle juste après ? Ouais. Eh ben, très bien. Despel Omega, on est en plein focus. On va s'écouter le titre de l'album, morceau éponyme, The Long Defeat, pour illustrer un petit peu le propos, la riche présentation de Thibaut. C'est parti. We'll be right back. reprend le fil du focus, le premier de ce soir, avec Thibaut qui nous parle donc de la nouvelle sortie de Despel Omega. On vient de s'écouter un premier extrait, The Long Defeat, qui est le titre de l'album. Ouais, complètement. Alors pourquoi ce morceau-là ? C'est juste que je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est celui qui est pour moi ressorti vraiment du lot. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup des morceaux. Donc Non, c'est 5 morceaux, 5 morceaux de 8 à 10 minutes, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Que dire sur l'album ? Déjà que c'est sans aucun doute le plus accessible qu'a proposé Despel depuis un petit moment. On en parlait en off, apparemment il a été un peu enregistré en conditions live et tout ça. Donc ça explique peut-être pourquoi on a moins de fioritures et de richesse et de chaos qui se dégage de l'album. Parce que donc pour ceux qui connaîtraient pas Despel, c'est vraiment hyper chaotique leur musique. C'est quelque chose qui part un peu dans tous les sens, qui te... j'aime à dire que la musique de Despel, elle sonne vraiment comme une musique malade en fait. T'as vraiment cette espèce de côté dérangé dedans. Et dérangeant. Et j'ai, comment dire, c'est presque un groupe qu'il faut découvrir en n'étant pas trop bien à ce moment-là, parce que encore plus du mal. Non, mais c'est pour en comprendre l'essence. J'ai vraiment l'impression qu'il faut être dans un état qui est pas. Ouais, faut être un peu malade. Faut avoir des prédispositions de base. Ouais, complètement. Pour le coup, on avait parlé avec un copain, tu vois, quand t'as à marcher tout seul dans le froid, à être vraiment gelé et à prendre l'impact de la musique, quoi. Toujours est-il que sur cet album, ouais, plus accessible, mais suffit de tendre l'oreille un petit peu pour prendre toute la richesse du truc. Et il y a des arrangements, le chant qui est toujours aussi dégoulinant, j'ai pas d'autres mots. Puis surtout les grattes et la batterie, quoi. Cette espèce de gratte qui sonne, c'est dissonant en permanence. Et ouais, l'album est plus accessible, mais ça reste du très très bon Despel à mon goût. Puis voilà, c'est du Despel, quoi. C'est lancinant, ça siffle. Ouais, c'est quelque chose qui te prend au trip, comme toujours. Donc moi, j'ai vraiment passé un bon moment dessus. Il y a un côté un peu plus ritualiste, je trouve, dessus. Avec ce côté, tu vois, des fois. Despel avait une tendance à alterner entre des moments lancinants, dérangés, et cette espèce de mur de son que tu prenais avec les guitares qui partaient dans tous les sens. Là, on a beaucoup moins ça. On a un truc un peu ritualiste, un peu avec une ambiance un peu grandiose, des chœurs qui viennent par-dessus. Presque martial, même, ouais. Sur certaines séquences, ce qui donne une dimension effectivement différemment pesante du côté lancinant et rampant. Là, on est vraiment sur de l'oppression martiale, du coup, dans la compo qu'on vient de s'écouter. Ouais, complètement. Et alors, j'ai vraiment la sensation que c'était un espèce d'album un peu mature, dans le sens où j'ai l'impression que c'était un espèce, dans le sentiment que j'en avais, c'était vraiment un espèce de projet qui traînait depuis un petit moment, et il voulait faire ce truc là depuis un moment, parce que je les sens un peu libres des carcans dans lesquels ils s'étaient mis avant, tout en ayant vraiment leurs pattes et cette approche qui est complètement singulière au niveau de leur musique. Donc ouais, en gros, en conclusion, je dirais que sans surpasser, ils arrivent quand même à proposer quelque chose déjà qui change. Et puis ouais, je l'ai beaucoup aimé, moi j'ai passé un bon moment. C'est pas celui que je conseille fondamentalement à écouter en premier, mais c'est un bon album. Un petit mot sur l'artwork avant de passer à la suite. Ultra sobre, on va dire, c'est un caillou. Non, mais il est très très beau. Un caillou. Non, il est très beau, il est en adéquation totale avec le truc. Je plaisante un peu dessus, mais c'est vrai que c'est ultra sobre, quoi, par rapport à ce qu'ils avaient pu nous proposer avant. Je pense l'album précédent qui avait un artwork que j'ai beaucoup aimé, et surtout Paracletus, où je trouve l'artwork complètement dingue. Mais en même temps, allez écouter cet album, il est vraiment génial. Voilà. Et clôture du premier focus pour l'émission de ce soir. Merci de ton intervention, on se retrouve tout à l'heure.